Chapitre 5e. Cependant, 3 ou 4 jours s'étaient écoulés. Maurice sentait qu'il ne pouvait différer davantage sa seconde visite à la veuve de Robert. Mais plus il y pensait, plus il regrettait amèrement de n'en avoir pas fini avec sa malheureuse mission dès la première entrevue, plus il lui paraissait difficile de la reprendre à froid et sur de nouveaux frais. Au milieu de ses perplexités, il vint l'idée souriante qu'il pourrait peut-être se décharger sur un autre du soin de terminer son message auprès de madame de la Pave. Cet autre était le curé de la paroisse, l'abbé Desmortreux, que sa mère l'avait engagé à consulter. Il était le directeur spirituel de madame de la Pave, et à ce titre, ne paraissait-il pas spécialement qualifié pour faire connaître à sa pénitente, avec toute la discrétion et toute l'autorité nécessaires, les dernières volontés de son mari? Cela ne rentrait-il pas, en quelque sorte, dans ses fonctions et dans son devoir professionnel? Pendant ses précédents séjours chez sa mère, Maurice avait plus d'une fois rencontré l'abbé Desmortreux. C'était un prêtre distingué, mais sans ambition. Il avait vieilli par goût dans un presbytère de village où il s'occupait des antiquités locales, correspondant avec les sociétés savantes de la région, cultivant les relations de voisinage, soignant ses espaliers et pêchant à la ligne dans une petite rivière qui baignait son jardin. Le commandant de Frémeuse se rendit donc un matin chez cet aimable philosophe clérical, et après l'avoir prié de considérer sa confidence comme un secret de confession, il lui fit part du testament verbal de Robert de la Pave et lui demanda s'il n'aurait pas l'extrême obligeance d'en transmettre les termes à sa veuve. Personne, ajoutait Maurice, n'était mieux indiqué que lui pour faire agréer à sa pénitente des recommandations d'un ordre si intime et touchant de si près à la conscience. Elle perdrait, en passant par la bouche d'un vieillard, d'un prêtre, d'un confesseur, ce qu'elles auraient de trop délicat et presque d'offensant dans la bouche de tout autre. L'abbé Desmortreux, dont le front ouvert et riant s'était peu à peu assombri pendant ce discours, médita longuement sous ses cheveux blancs avant d'y répondre. « Mon cher monsieur, dit-il enfin, voilà une mauvaise commission, très mauvaise, et qui serait très capable de me brouiller avec ma pénitente si j'avais l'imprudence de m'en charger. Je ne disconviens pas qu'il n'y ait peut-être un grain d'égoïsme dans mon fait. Je suis vieux, j'aime mon repos, j'aime à conserver d'agréables relations avec mes voisins de campagne, soit. Mais de plus, soyez certain que comme prêtre et comme confesseur, je suis précisément l'homme du monde le plus mal choisi pour bien remplir votre commission. Pourquoi, mon cher monsieur ? Justement parce que je suis le directeur de la conscience de madame de la Pave et que la première chose qu'elle me demanderait, si je lui portais votre message, serait de lui dire jusqu'à quel point il engage sa conscience. Or, je n'en sais rien. Je ne veux pas avoir à me prononcer là-dessus. Sous le rapport religieux, il m'est tout à fait impossible de décider jusqu'à quel point une femme, une jeune femme, est tenue d'obéir aux volontés testamentaires d'un mari qui lui a prescrit, en mourant, de ne point se remarier. Cela dépasse ma compétence. Je veux donc ignorer que ce cas de conscience existe pour madame de la Pave. Si jamais elle me le confie, il sera temps d'y songer, mais je ne veux pas aller au-devant d'un pareil embarras. Et je vous supplie instamment, mon cher monsieur, de ne pas laisser même soupçonner à madame de la Pave que je possède ce secret, car vous comprenez bien que celui qui partagera ce secret avec madame de la Pave ne pourra plus être pour elle qu'un ennemi ou un complice. L'alternative est dure, monsieur le curé, dit un peu sèchement Maurice, qui se leva. Elle est certaine, mon enfant, dit le vieux prêtre avec gravité, ennemi ou complice, je le répète. Comme il reconduisait Maurice à travers son jardin, il s'arrêta tout à coup en se frappant le front de la main. « Mais, mon Dieu, reprit-il, il y a un moyen de vous tirer d'embarras, au moins pour aujourd'hui, et peut-être pour toujours. Ah, monsieur le curé, vous me rendez la vie. Voyons, mon cher monsieur. Avez-vous ouï dire que madame de la Pave ait jusqu'ici manifesté la moindre intention de se remarier ? Non, Dieu merci. Eh bien, pourquoi ne pas attendre qu'elle manifeste une telle intention avant de lui transmettre les désirs de son mari à cet égard? Jusque-là, n'est-ce pas lui faire une sorte d'injure gratuite que de lui interdire une chose à laquelle elle ne pense pas, à laquelle elle ne pensera peut-être jamais? Qu'a voulu monsieur de la Pave? Que sa femme ne se remariât point? Eh bien, s'il doit se conformer spontanément à sa volonté, il est bien inutile, et plus qu'inutile, de la lui signifier. « Ma foi, monsieur le curé, dit Maurice. Vous avez tout l'air d'avoir raison. Cependant, je suis un soldat, et la casuistique m'effarouche un peu. Mais enfin, je vous remercie, et j'y vais réfléchir. Quant à un devoir pénible à accomplir, c'est déjà un grand allègement que d'avoir du temps devant soi et de pouvoir choisir son moment. Le commandant de Frémeuse, en sortant de sa conférence avec l'abbé Desmortreux, éprouva cet allègement. Sans prendre encore un parti définitif, il ne se croyait plus du moins la même obligation impérieuse de brusquer les choses et de se montrer tout de suite à cette jeune femme sous la figure d'un messager sombre et menaçant. Il pouvait attendre qu'il la connût mieux, que leur intimité croissante et de plus en plus confiante amena naturellement l'heure et l'occasion des expansions difficiles. L'important était de gagner cette confiance amicale dont il avait besoin, et il s'y sentait disposé. Il avait apporté, il est vrai, chez Madame de la Pave, des préventions peu sympathiques. Mais il est malaisé de conserver une antipathie préconçue contre une très jolie femme qui vous apparaît pour la première fois les yeux noyés de larmes. Il retourna le jour même au château. Madame de la Pave y était seule, Madame de Combaleu étant allée passer quelque temps à Paris près de son fils. La jeune fille, bien qu'elle eût, dès leur première rencontre, vu et regardé M. de Frémeuse beaucoup plus qu'elle ne l'avait dit à sa tante, ne fut pas fâchée de le revoir. Car si elle ne l'aimait pas, il ne lui était pas indifférent, et dans l'ennui où elle vivait, sa présence lui causait une émotion qui, sans être précisément agréable, valait encore mieux que rien. Elle eût été bien aise de trouver dans cet adversaire, dans ce rival, dans cet ennemi, un individu vulgaire, un soldat médiocre et grossier. Elle se fût donné le plaisir de le traiter en conséquence. Malheureusement, sur les traits délicats et sévères du jeune officier, sur son large front lumineux, dans son œil de azur sombre, dans sa tenue, dans son langage, elle était forcée de reconnaître tous les signes d'une distinction supérieure, et elle les reconnaissait avec dépit. Il était vraiment triste d'être méconnu et méprisé par un homme d'un aspect à la fois attrayant et imposant, qui avait l'air si grave et le sourire si doux. Toutefois, dans le cours de leur entretien, qui se porta tantôt sur le souvenir de Robert, tantôt sur des faits de guerre ou des incidents de la captivité en Allemagne, il sembla à Madame de la Pave que ce farouche ennemi lui parlait sur un ton de respect attendri et de confiance fraternelle, comme si en l'approchant, il fût déjà un peu revenu de ses injustes préventions contre elle. Cela lui parut curieux et intéressant. C'était un petit triomphe tout personnel qui la flattait et qu'elle désira poursuivre. Ce fut donc très sincèrement qu'elle pria Maurice, au moment où il la quittait, de revenir la voir souvent pendant le temps de son séjour chez sa mère. Rien ne pouvait mieux entrer dans les desseins du jeune commandant. Il se mit donc à voisiner plus familièrement chez Madame de la Pave, tantôt seul, tantôt avec sa mère. Bref, ses relations avec la veuve de Robert commençaient à prendre un caractère de réelle intimité quand, une douzaine de jours plus tard, Madame de Combaleu jugea convenable de quitter Paris et de revenir chez sa nièce après avoir passé 24 heures à Alençon chez des amis. À la première visite que Maurice fit au château après son retour, elle eut soin de se trouver présente, et elle eut alors l'occasion de le voir pour la première fois. Elle put donc constater, non sans ennui, qu'il était de sa personne aussi séduisant qu'un homme peut l'être, et de plus qu'il y avait entre sa nièce et lui un air de vieille connaissance et de bonne intelligence auquel elle était loin de s'attendre. Atterrée par cette double découverte, Madame de Combaleu apprit par surcroît que sa nièce avait invité les Frémeuses, la mère et le fils, à dîner au château pour le lendemain. Elle passa le reste du jour et une partie de la nuit à se recueillir, à méditer sur les dangers de la situation et à combiner ses plans de légitime défense. Elle connaissait bien sa nièce, elle la savait fière et susceptible à l'excès, et sous ses mines nonchalantes, d'un étrange emportement de passion. Ce fut par ses côtés qu'elle résolut de l'attaquer. Une demi-heure environ avant le dîner, comme elles venaient de s'habiller toutes deux et de descendre au salon, Madame de Combaleu prit doucement la parole. « Tu ne me dis pas, ma mignonne, en quels termes tu es avec le commandant de Frémeuse ?»« Mais vous l'avez bien vu, ma tante. Il se civilise, on dirait. »« On dirait, » répéta Madame de la Pave, et un léger sourire d'ironie releva le coin de sa bouche. « Est-ce qu'il te fait la cour, par hasard ?»« Oh non, ce serait trop dire, ma tante, ça ne va pas jusque-là. Je crois qu'il me déteste moins, voilà tout. »« Et toi, mignonne ?»« Et moi, j'observe, je m'instruis. » dit la jeune femme avec un singulier clignement des paupières. Au reste, ajouta-t-elle d'un ton sérieux, pourquoi m'en cacher? Je suis véritablement touché de son retour à des sentiments plus justes envers moi. De loin, il m'avait mal jugé. À mesure qu'il m'a mieux connu, ses préventions se sont dissipées. Il les oublie et s'efforce de me les faire oublier. Je sens à ses façons, à son accent, qu'il regrette ses injustices, qu'il m'en fait amende honorable autant qu'il le peut, sans entrer dans des explications gênantes et offensantes. Eh bien, je vous avoue, ma tante, que de la part d'un homme que nous avions nous-mêmes mal jugé, qui en réalité est bien, très bien, je vous avoue que tout cela m'est agréable, que cela me fait positivement plaisir. « Ah, mon Dieu, ma chère petite, que tu es jeune !» s'écria madame de Combaleu, en joignant les mains avec bruit. « Pourquoi, ma tante ? Voyons, ma mignonne, dis-moi d'abord tout franchement, aimes-tu le commandant ? Ton cœur a-t-il pris ? Je suppose que vous plaisantez, ma tante !» dit sévèrement la jeune femme, dont les yeux profonds lancèrent des éclairs. « Eh bien alors, reprit madame de Combaleu, laisse ta vieille tante avec sa vieille expérience t'enlever quelques illusions qui peuvent être dangereuses. Tu as malheureusement l'habitude de prêter ta délicatesse naturelle et la noblesse de tes sentiments à tout le monde, et rien n'est plus capable de t'induire dans de profondes erreurs, de t'exposer à jouer le rôle de dupe. Ainsi, voilà monsieur de Frémeuse, qui a toujours été ton ennemi déclaré, nous le savons par ses lettres, nous le savons par ton pauvre mari lui-même qui en plaisantait. Et tout à coup, brusquement, cet ennemi se fait charmant. Le loup se fait agneau. Suivant toi, c'est qu'il a reconnu ses torts. Il se repent. Il fait amende honorable. C'est possible, ou ça ne l'est pas. Je n'en sais rien. Ce que je sais parfaitement, c'est qu'il prétend t'épouser, et que dans tout le pays, on parle déjà de votre mariage. Vous riez, ma tante. Pas le moins du monde, ma chère enfant. Mon Dieu, si cela te convient, je n'ai rien à dire, bien entendu. Mais au moins faut-il que tu saches ce qui se passe et que tu connaisses le secret de cette subite métamorphose. À Alençon même, d'où j'arrive, on ne parle que de ce mariage. La mère de Frémeuse n'a pas d'autre idée en tête depuis la mort de ton pauvre mari. Elle ne sait même pas s'en taire. Elle en parle au curé, à ses domestiques, au monde entier. Tu sais du reste combien elle est avare et cupide. Le fils, dit-on, tient beaucoup d'elle sous ce rapport, et je me souviens que ton pauvre mari lui reprochait en riant ce défaut-là, d'aimer l'argent, et tu comprends que tes 300 000 francs de rente doivent lui parler fortement au cœur. Mon Dieu, après cela, il est bien possible qu'il t'aime aussi, par-dessus le marché. Tu es assez jolie femme pour cela. Mais sa mère est réellement trop bavarde, et lui trop pressé. Il y avait, le lecteur le sait, dans les insinuations de madame de Combaleu, une bien faible part de vérité. La calomnie, l'invention perfide, le pur mensonge y dominaient largement. Peut-être, tout au plus, quelques mots étourdis de madame de Frémeuse, quelque allusion échappée au curé, quelques propos de commère, lui avait-il fourni le texte léger sur lequel elle avait brodé avec tant de complaisance. Quoi qu'il en soit, le trait lancé par cette main venimeuse allait à son adresse. Il blessa au cœur madame de la Pave. Elle était, comme la plupart des femmes, mais à un degré extrême, plus spirituelle que réfléchie et plus passionnée que judicieuse. Frappée de quelque apparence vraisemblable, elle admit sans hésitation toute la fable imaginée par sa tante pour expliquer, à la honte de monsieur de Frémeuse, sa conversion et ses assiduités. « Cela est simplement ridicule, » dit-elle en levant légèrement les épaules. Mais pendant qu'elle prononçait ces mots d'un ton de froid dédain, l'ardeur de ses yeux, la coloration soudaine, puis la pâleur redoublée de son visage, le pli farouche de ses lèvres, trahissaient un orage de colère difficilement maîtrisé. Plus sa fierté avait été flattée des hommages de monsieur de Frémeuse, quand elle croyait y voir une sorte de réparation délicate et un succès personnel, plus sa fierté s'indignait à la pensée que ses hommages et cette réparation s'adressaient à sa fortune plus qu'à sa personne. Tous ses anciens griefs lui revenant en même temps à l'esprit, elle n'envisagea plus le jeune commandant que sous un jour absolument odieux, qui le lui montrait capable et coupable de toutes les faussetés et de toutes les indélicatesses tant envers elle qu'envers la mémoire de son mari. Elle jugea qu'un pareil homme, et de pareils procédés méritaient une correction sévère, et elle se mit à rêver à la meilleure manière de l'administrer. Monsieur de Frémeuse et sa mère arrivèrent sur ces entrefaites. Elle les reçut avec sa grâce la plus affable, et madame de Combaleu leur fit également fête de tout son cœur. Un moment après, le curé vint se joindre à la compagnie, et l'on se mit à table. Madame de Lapave paraissait plus gaie ou du moins plus animée que de coutume. Elle s'amusait à tourmenter le curé sur ses trouvailles archéologiques dont elle contestait en riant la bonne qualité. À travers son enjouement, elle avait des temps de silence et de rêverie, quelquefois des paroles brèves et amères, bref, l'attitude agitée et fiévreuse d'une femme qui joue péniblement un rôle. Maurice le remarqua et supposa, avec une perspicacité réelle, qu'elle avait éprouvé dans la journée quelques grosses contrariétés. Il remarqua aussi qu'elle buvait un peu plus de champagne qu'il ne convenait à une jeune veuve, ce qui le confirma dans l'idée qu'elle sentait le besoin de se distraire et de se monter un peu la tête pour être aimable avec ses hôtes. Après qu'on eut pris le café dans le salon, madame de Lapave emmena ses invités dans les jardins pour donner au commandant de Frémeuse la liberté de fumer. Elle marcha près de lui pour mieux respirer l'odeur du cigare qu'elle adorait, disait-elle, en rappelant que son mari avait été grand fumeur. Elle lui parlait de la prédilection que Robert avait eue pour ces jardins disposés à la vieille mode française et dont il avait aimé à conserver et à restituer le style dans toute sa pureté. Elle lui montrait les restaurations qu'il avait entreprises dans ce dessein et qu'elle se faisait un devoir d'achever. Ses terrasses, ses escaliers qu'elle montait de son pas souple et avec sa suprême élégance entre des rangées d'ifs et de blanches statues évoquait dans l'esprit de Maurice de vagues visions de Versailles. Il pensait à la jeune duchesse de Bourgogne et à sa marche de déesse sur les nuées. Ils avaient pris peu à peu une grande avance sur les autres promeneurs, et ils se trouvaient alors tout à fait en tête à tête. Madame de Lapave, loin d'être intimidée par cette circonstance, sembla la prolonger et l'aggraver à plaisir en s'engageant avec Maurice sous une avenue de Charmy en berceau, où le déclin du jour ne laissait plus pénétrer qu'une faible clarté. Elle marcha quelque temps silencieusement dans ses demi-ténèbres à côté du jeune officier, en faisant craquer le sable sous ses hauts talons, puis tout à coup, relevant la tête et la rejetant un peu en arrière par son geste familier, « Monsieur de Frémeuse, » dit-elle. Elle avait la voix d'un timbre un peu grave, musical, très féminin. Il y eut à cette minute, dans cette voix charmante, un accent particulier d'ironie et d'attaque qui fit battre soudain le cœur de Maurice. « Madame, » dit-il. « Vous savez, » reprit-elle, « combien Robert a été généreux envers moi. » Maurice inclina la tête. « Il m'a laissé toute sa fortune. »« Oui, madame, il me l'a dit. »« Ah, je pensais bien que vous le saviez. Eh bien, croyez-vous que je suis une ingrate, que je suis quelquefois tentée de reprocher à mon mari sa générosité ?»« Je ne comprends pas bien pourquoi. » dit doucement Maurice. « Mon Dieu !» reprit la jeune femme, « parce que cette grande fortune qu'il m'a laissée va m'attirer et m'attire déjà des ennuis sans nombre et sans fin. Elle fait de moi une trop riche proie. Tout ce qu'il y a en France d'intrigants, de chercheurs de fortune, de coureurs de dot s'apprête à m'assiéger. Je vais être exposé à toutes les manœuvres de la cupidité, à tous les faux-semblants de bienveillance et d'intérêt, à toutes les hypocrisies d'amour et d'amitié. Je vais être livré au plus sot commérage, au plus indigne calomnie, et même je le suis déjà. N'avez-vous pas entendu dire qu'on me marie ? Non, madame, dit Maurice. Non, vraiment ? Eh bien, demandez à votre mère, elle le sait mieux que personne. Il était impossible au commandant de Frémeuse de se méprendre sur le ton et sur le sens de ce langage. Après quelques secondes de saisissement muet, madame, si j'ai l'honneur de bien vous entendre, vous m'accusez de prétendre, sous un faux semblant d'amitié, à votre main, ou plutôt à votre dot. Ma réponse est facile. S'il y a un homme au monde auquel la pensée de vous épouser soit jamais interdite, c'est moi. Vous allez à l'instant même savoir pourquoi. Mon intention, que vous apprécierez tout à l'heure, était de différer encore cette communication jusqu'au jour où l'amitié et la confiance seraient entre nous deux. Mais je vois que ce jour ne doit pas venir. Veuillez donc m'écouter. Je ne me suis pas quitté entièrement jusqu'ici des instructions dont votre mari m'a chargé à son lit de mort. Il me reste à vous apprendre ses dernières volontés, ou du moins sa dernière prière. Par ce testament verbal dont il m'a fait dépositaire, votre mari, en retour de l'amour passionné qu'il a eu pour vous et des témoignages qu'il a pu vous en donner, vous prie, vous conjure et autant que le peut un mourant, il vous ordonne de ne jamais manquer à sa mémoire en contractant un second mariage. » Une faible exclamation s'échappa des lèvres de la jeune femme. « Veuillez me laisser achever, » reprit Maurice. En quels termes douloureux et terribles votre mari m'exprima ses appréhensions, ses craintes, ses recommandations à ce sujet, je pourrais vous le dire si vous l'exigez, car il n'y a pas une parole sortie de sa bouche pendant cette nuit funèbre qui ne sonne encore à mon oreille. Mais épargnez-moi, épargnez-vous à vous-même des détails poignants, affreux. Écoutez ces derniers mots seulement. Dis-lui que s'il était jamais un autre, je me soulèverai dans ma tombe, elle verrait mon spectre, je reviendrai pour la maudire. » Et il ajouta, à travers son râle d'agonie, « Jure-moi, Maurice, que tu le lui diras. » « Je le jurai. » « Sur ton honneur. » « Sur mon honneur. » « Maintenant, madame, vous savez tout. » Elle avait suspendu sa marche pour l'entendre. Il distinguait à peine son visage car la nuit était alors tout à fait tombée. Mais quelques rayons de lune, filtrant à travers la voile de verdure, jetaient ça et là des bandes blanches sur le sable de l'allée et éclairaient à demi un banc de pierre adossé à la charmille. Elle alla s'asseoir sur ce banc, et il vit alors combien elle était pâle. Il lui sembla même qu'elle chancelait avant de s'asseoir. Puis elle abaissa la tête dans ses mains, et il entendit qu'elle pleurait. « Désirez-vous que je me retire ?» demanda le jeune homme. Elle secoua la tête pour dire qu'elle ne le désirait pas. Il demeura donc debout et immobile à quelques pas d'elle, écoutant le bruit de ses sanglots. Enfin, dès qu'elle put parler, elle l'appela doucement. « Monsieur de Frémeuse. » Il s'approcha, indécis. Elle avança alors sa main. « Pardon, » dit-elle. Il serra faiblement la main qu'elle lui tendait. Elle se leva. « Voulez-vous, » dit-elle, « avoir la bonté de me donner votre bras ? Je ne me sens pas très bien. » Elle lui prit le bras, et ils se dirigèrent vers le château, dont quelques fenêtres s'étaient éclairées. Comme ils passaient devant un bassin creusé au milieu de l'allée principale, et dans lequel une tête de gorgone dégorgeait une eau vive, elle se pencha, mouilla son mouchoir à cette eau jaillissante, et s'en baigna le visage et les yeux. « Je ne voudrais pas, » dit-elle, « qu'on vit que j'ai pleuré. » Elle lui reprit le bras, et se remit en marche, mais plus lentement, d'un pas de promenade. « Je ne sais vraiment pas, » reprit-elle, « pourquoi j'ai pleuré, car il y a longtemps que je n'avais été si heureuse. »« Heureuse ?» dit Maurice, surpris. « Oui, heureuse, très heureuse de pouvoir désormais croire à quelqu'un, me fier à quelqu'un, compter sur une affection sincère, absolument pure de tout alliage, de tout intérêt suspect, de pouvoir m'appuyer enfin avec confiance sur le bras d'un ami, car vous êtes un ami, n'est-ce pas ?» Au milieu de ces antiques jardins et de cette belle nuit, au milieu de la lumière argentée qui tombait du ciel sur la blancheur des marbres, sur les parterres fleuris et odorants, ces douces paroles paraissaient plus douces encore et cette voix plus magique. Maurice sentait en même temps contre son cœur le contact ardent de l'élégante jeune femme. Il la sentait violemment émue. Cette émotion le gagnait lui-même et le troublait. Il ne put que murmurer un banal remerciement. Elle lui répondit par une légère pression et continua d'avancer en silence. Arrivée au pied des larges degrés qui accédaient au seuil du château, elle s'arrêta comme hésitante, puis brusquement, quittant le bras de Maurice, « Rentrons, » dit-elle. Il la suivit dans le salon qui s'ouvrait de plein pied sur les jardins. Ils y trouvèrent Madame de Combaleu, Madame de Frémeuse et le curé, tous trois l'œil très éveillé et fort intrigué de ce long tête-à-tête à la belle étoile. On comprend qu'ils en attendirent vainement l'explication. L'entretien se traîna péniblement pendant quelques minutes, puis Madame de Frémeuse, impatiente d'interroger son fils, prétexta une migraine et tous deux prirent congé. Comme ils sortiraient, Madame de la Pave, après avoir lancé préalablement à sa tante un regard peu bienveillant, dit vivement à Maurice « Quand me ferez-vous le plaisir de monter à cheval avec moi ? Mais quand vous voudrez. Eh bien, demain matin, 10 heures. » Il salua et partit. Dès qu'ils furent à quelques pas du château, prévenant les questions de sa mère, « Ma pauvre chère mère, lui dit-il, je vais vous désespérer, la commission est faite. » Et il lui conta comment les soupçons outrageants manifestés par Madame de la Pave l'avaient provoqué à parler sans retard. Il lui dit ensuite comment sa communication confidentielle avait été accueillie par la jeune veuve. « Vous voyez du reste, ma mère, que le résultat final de ma triste ambassade a trompé toutes vos craintes et qu'en particulier, Madame de la Pave n'a pas pris l'ambassadeur en grippe, comme vous le prophétisiez. » « Mon ami, dit gaiement la vieille dame, j'avais oublié que lorsqu'on veut préjuger quels seront en telle ou telle occasion les sentiments d'une femme, il faut commencer par consulter le diable. » Le jeune commandant ne parut pas avoir entendu la boutade échapper à sa mère et continua sa route, plongé dans une rêverie silencieuse.